Alors bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle émission du Podcast Auto, émission du 3 février 2015. Le mois de février est arrivé, j'espère que vous n'avez pas trop froid. Cette semaine, Dame Nature nous gâte un peu avec des froids, au ma foi, assez intenses. Puis une petite tempête de neige hier pour revenir du travail, je ne sais pas pour vous, mais moi, je travaille à 45 minutes de chez moi. Et hier, ça m'a pris 2h30 me rendre chez nous. Donc, bon. Ben, c'est plus à cause de la population qu'à cause de la route. Ouais, la population. Qui conduit très, très difficilement dans la neige. Ouais, conduire dans la neige, c'est difficile. Conduire l'hiver, c'est pas nécessairement évident pour bien des gens, incluant votre humble serviteur. Je veux dire, on n'est pas nécessairement. J'ai beau conduire dans la neige depuis que j'ai 16 ans. On dirait qu'à chaque année, ça nous surprend. C'est un peu comme le déneigement à Montréal, hein. Tu sais, ouais, on a une tempête. Ben, avec une auto différente chaque semaine, c'est sûr que tu t'aides pas, là. Bon, peut-être, mais ouais, c'est vrai. Quand j'ai le quatre roues motrices, j'aime ça. Hier, justement, j'ai pris possession d'un Kia Sorento 2015 pour la semaine. Puis, quatre roues motrices et tout ça, ça l'a aidé. C'est pas pire cette année parce que les deux grosses tempêtes qu'on a eues, une fois, j'étais dans une Chrysler 200 avec la traction intégrale. Puis hier, j'étais dans le Kia Sorento. Fait que c'était quand même pas trop pire. Je vais te prêter mes grosses bagnoles à propulsion. Tu vas avoir du plaisir. Ouais, beaucoup de plaisir. Mais c'est drôle, ça tombe bien parce que justement ce soir, je vais vous le présenter après avoir présenté mes comparses. On a quelqu'un qui va nous parler parce que lui, il y a une sujet école. Très à propos. Mais oui, très à propos. Il y a une école de conduite hivernale. Donc, lui, il peut vous apprendre comment gérer votre auto sur la glace. Donc, mais je vais commencer par mes deux habitués. On va commencer par Martin Sagala. Salut Martin. Salut. Ça va? Oui, ouais. J'essaye fort. Oui, très occupé parce que toi, tu déneiges. Ben, je la ramasse, en fait. Fait que ouais. C'est plus des chiffres, on va dire, cul par-dessus tête. Oui, c'est ça. On est chanceux de t'avoir. Ce soir, il a neigé hier, puis ce soir, il neige pas. Donc, on peut t'avoir sur les... Entre le simple ministère des Transports et le ramassage de neige, j'ai réussi à trouver un petit trou. Ouais, c'est pas pire. Fait qu'on va essayer de rappeler le show vite au cas où il faut que tu partes rapidement pour aller ramasser de la neige à quelque part. Ben non. Il y a aussi Jean-François Beaulieu. Salut Jean-François. Salut, ça va? Ça va, toi? Ça va très bien. Ça va très bien. Ta cobalt va bien dans la neige ou... Ouais, on va dire, là. On va dire. Moi, je sais que tu regardes pour t'acheter quelque chose de neuf. Tu sais, quand il y a une grosse tempête dans la neige, tu dis, une traction intégrale, c'est quand même pas pire. Mais... C'est pas, mais... Hier, même à Montréal, j'aurais mis un camion à Montréal. Ouais, pour tasser les autres du chemin. Exactement, oui. Ouais, je te comprends. Et puis, notre invité de ce soir, justement, comme je vous disais, il y a une école de conduite hivernale et c'est Jean-Sébastien Soriol. Salut Jean-Sébastien. Bonsoir tout le monde. Ça va bien? Bon. Jean-Sébastien que j'ai rencontré au Salon de l'Auto de Montréal, la journée de la presse, on s'est ramassé assis à la même table pour le déjeuner. Puis on a fait connaissance là, puis il a commencé à me parler un peu de ce qu'il faisait, de son école de conduite hivernale. Puis je me suis dit, hey, ça serait intéressant de l'inviter sur l'émission parce que comme on disait en début, ben voilà, quelques secondes, conduire l'hiver dans la neige, sur la glace, c'est pas nécessairement évident, on n'est pas habitué. Mais Jean-Sébastien, avant de parler de ton école, parle-nous un peu de toi, c'est quoi ton background en français, là? Tu viens de où toi au juste? En fait, j'ai grandi à Laval. J'ai commencé au niveau du karting en Formule 125 en 1987. C'est pour ça que j'ai des cheveux blancs sur tous les côtés de ma tête. On se ressemble là-dessus. C'est ça. Mon rêve, c'était vraiment de devenir pilote. Donc, j'ai acheté mon premier kart. J'ai commencé à courir au niveau provincial. Mont-Tremblant, Saner, tout ça, les circuits qu'on avait disponibles à cette période-là. Ensuite, ben, je suis passé au monoplace. J'ai fait le championnat Jim Russell en Formule 2000 au circuit du Mont-Tremblant. OK. Que tout le monde est quand même assez familier. J'ai été chanceux, j'ai remporté ça, donc ça m'a permis d'avoir une bourse développement, courir en Formule Ford, championnat canadien, puis faire quelques courses en Angleterre aussi, chez Jim Russell là-bas. Bon, je viens pas d'un milieu quand même assez fortuné, donc il a fallu que je travaille assez fort pour trouver des opportunités. Donc, je me suis exilé la plupart du temps au niveau de ma carrière. Je suis allé passer... 3 ans au Japon, notamment, pour conduire tout ce que je pouvais sans que ça me coûte un rond, comme on dit. Mm-hmm. Donc, j'ai fait de la monoplace. Il y a pire pour gagner ça. Oui, ben disons que quand j'étais là-bas, je n'étais pas payé. Donc, il fallait que j'enseigne l'anglais, notamment, pour, pour essayer de manger 3 fois par jour puis avoir un petit appartement. Puis, donc, finalement, il ça a a mieux été un gagné petit peu. sa vie. Ouais, c'est ça. Ben, c'est la passion, hein. C'est la passion Ouais, ben. qui nous pousse à faire des choses. Donc c'est ça. Ensuite de ça, ensuite de ça, fallait que, bon, je me suis rendu à un niveau à peu près là, jusqu'à la Formule Atlantique. L'équivalent là-bas, ça s'appelle la Formule Toyota. OK. Puis, toujours manque de budget, donc je suis revenu à la maison, en fait, je suis revenu aux États-Unis, puis là, j'ai commencé à enseigner le pilotage pour plusieurs écoles, Skip Barber, l'école Porsche Driving Experience à Sebring. J'étais basé à Sarasota. Finalement, je partais pour 3 semaines, puis je suis resté 8 ans. T'as juste rallongé un peu ton voyage. C'est ça. Donc c'est ça, j'ai découvert le métier d'instructeur pour gagner ma vie dans ce que j'aime finalement. Puis tout en faisant des courses d'endurance là-bas, j'ai roulé ma bosse pas mal beaucoup. Ensuite de OK. ça, je suis revenu au Québec, encore là pour seulement quelques mois. Puis là, ça fait 6 ans que je suis ici. Donc OK. Fait que là, t'es revenu, puis là, t'as ton école à toi. Ben en fait, je suis revenu puis je me suis aperçu que le sport avait. Ben je m'étais exilé au début parce que je me suis aperçu que le sport, bon, c'était pas très très développé au Québec. Tu pouvais pas vraiment gagner ta vie à part enseigner une couple de journées l'été ici et là. Il n'y avait pas beaucoup de demandes. Donc aux États-Unis, c'est toute une industrie qui est quand même assez différente. T'as beaucoup de circuits, ça roule. Ben évidemment, ça roule 12 mois par année, on le sait, hein. Oh, ouais, c'est ça. Donc, je suis revenu ici au Québec pour passer des vacances. Finalement, ben le circuit ICAR m'avait approché pour développer les programmes de cours de l'Académie Jacques Villeneuve. OK. Donc, j'avais l'expertise pour faire ça. Donc, ça a été une belle période. Finalement, j'étais là pendant 2 ans. Ben, j'ai développé les programmes, j'ai entraîné tous les instructeurs juniors, tout ça. Fait que j'ai développé quelque chose de quand même assez bien là-bas qui roule encore. Puis après ça, ben c'est ça, j'ai roulé ma bosse différentes écoles, l'Académie de karting Jim Russell au Mont-Tremblant, c'est moi qui ai contribué un peu à développer le programme d'école. Après Jim Russell, ben j'ai recommencé un petit peu à faire des courses d'endurance. J'ai fait les 24 heures de Dubaï en 2010. Wow. OK. Ça a été le fun. J'ai été invité par une équipe là-bas. Ils voulaient donner la chance à un pilote canadien, puis de faire découvrir cette série-là. Puis ça a bien été, on a fini 4e. J'ai couru avec 2 voitures, couru avec une Seat Leon, qui est l'équivalent d'une Volkswagen GTI. OK, ouais. OK. Diesel, moteur 2 litres diesel. Puis aussi dans une Saker, un petit prototype Saker. C'est une marque hollandaise des petits protos avec un moteur Audi turbo 3 litres. Donc ça a été une belle expérience. Puis je fais de la course d'endurance quand je peux, en 2013, 2013, 2014. L'automne 2014, je suis allé faire les 6 heures de Manicourt dans une Mosler avec un gros moteur LS7, un gros moteur GM. OK, ouais. Ça, c'était le fun. Puis là, j'ai lancé l'école de glace ici, Ice Driving Canada. C'est notre 3e année. Puis on est basé à l'hôtel Sakakomi à Saint-Alexis-des-Monts. OK, fait que c'est à peu près à quoi, 2 heures de Montréal? Ouais, 2 heures, Ouais. grosso modo, dépendamment de la météo, comme vous savez. Ouais, c'est ça. Ça peut Ouais. prendre plus de temps que ça, là, mais normalement, là... En été, c'est sec, pas de trafic. Dans des conditions normales, c'est à peu près 2 heures de Montréal. C'est quoi ou juste le programme que tu offres? Je sais que tu offres, je t'allais faire un tour sur ton site, qui est très intéressant parce qu'on voit une Porsche Boxster se faire beaucoup de plaisir sur la glace. Tu offres plusieurs différents packages, là, différents forfaits. Parle-nous un peu de ce que tu offres, ce que les gens peuvent s'attendre à en voir là-bas. Ben, en fait, qu'est-ce qui m'a stimulé, Luc, pour lancer ce projet de fou-là? Parce qu'il faut quand même être assez fou de déneiger une piste de 3 km sur un lac gelé. Ouais. Ça Ouais, ça prend demande l'équipement beaucoup de aussi. travail. Ouais, non, Pas ça trop demande gros beaucoup de l'équipement, travail. j'espère. Pardon? J'ai dit pas de la trop grosse équipement, j'espère qu'il n'y a pas de glace. Oui. Non, ben oui, ben non, on pense ça sérieux. Écoute, évidemment, on vérifie l'épaisseur de la glace avec les normes de la CSST. J'ai appris pas mal là-dessus, donc j'ai développé une certaine expertise là, de dessiner des circuits de glace sur un lac. Donc moi, je me suis inspiré de qu'est-ce qui se fait en Scandinavie, ce qu'on peut voir en Suède, en Finlande, sur les grandes mers gelées puis les grands lacs, parce que Eux, ils font de la conduite sur glace à haute performance. Ça fait presque 40 ans qu'ils font ça. Donc, moi, je me suis demandé pourquoi est-ce qu'on ne faisait pas ça au Québec. Parce qu'à l'époque, moi, j'avais fait de la course sur glace. Dans le temps, la FAQ, Fédération Auto-Québec, organisait un championnat de course sur glace. Notamment, il y avait une course pendant le Carnaval de Québec. Puis ça s'est perdu un petit peu parce que, ben, notamment au niveau de la météo, dans les grands centres urbains à Montréal, on sait qu'on n'a pas toujours les hivers adéquats pour faire ça. J'ai fait, quand j'étais plus jeune, dans les années 80, il y avait la Fédération Auto-Québec. J'ai souvenir Organisait d'avoir vu des. ça à la télé quand j'étais jeune. Ouais, il organisait des courses sur glace, puis c'était pas mal populaire. Mais au fil des ans, avec la météo qui était assez changeante pendant les hivers, ça s'est comme un peu perdu. Puis j'ai trouvé ça dommage. Fait que je me suis dit, ben, je vais essayer de lancer quelque chose. Puis quand j'ai vu qu'il faisait ça en Scandinavie, ben, je me suis inspiré de ça. OK, tu as recréé ça au lac Sakakomi. Ouais, c'est ça, parce qu'on a beaucoup d'espace. On a vraiment un grand lac. Donc C'est sûr, là, c'est j'ai pas avec la dessiné un température circuit. de Montréal qui aurait pu faire ça. Ça aurait peut-être Non, aussi c'est le fait. ça. Faut Ouais, choisir un petit peu effectivement. loin. Ou sur le bassin olympique de l'île Notre-Dame. Fait que là, tu déneiges le lac, tu crées une piste pour Ouais, être si vous capable de avez. conduire dessus. Ouais, si vous avez la chance, allez voir sur le site web ou notre page Facebook iDriving Canada. On a mis des photos qu'on a prises avec un hydravion du circuit. C'est un circuit de presque 3 km de OK. long, un circuit routier. Quand même. Avec un aire de dérapage qui est environ 100 mètres de diamètre. Fait qu'on offre des programmes de base qui sont basés surtout sur la conduite préventive. Mais on a aussi des programmes en quand même assez haute performance, des demi-journées, des journées complètes, où là, c'est vraiment du coaching de course. On vous pousse à la limite. On a des Porsche Boxster, 220 chevaux. OK, ah, tu dis des Porsche Boxster. OK, Ouh. c'est pas On en juste a deux, un. ouais. OK, c'est quand même pas fait. Ouais, je regarde les photos là. Et... Puis ce qui est le fun, c'est qu'on a des pneus assez flyés pour ça. On a fait venir des pneus de la Suède, des pneus qu'on trouve pas au Canada. C'est développé pour la conduite haute performance sur glace. C'est des pneus qui ont 400 crampons chacun OK. de 2 mm de long. Donc, il y a vraiment de la bonne tenue de route. On peut se permettre de glisser à haute vitesse. C'est ça qui est vraiment plaisant. C'est de la glisse sans aucun risque. Si tu C'est pas sors les de pneus de piste, ben, monsieur, madame, tout le monde. non. Non, la première année, on avait essayé des Nokia, des AK7, des Acapiletta. OK, c'est ce que j'ai sur mon auto. C'est très bon. C'est très bon pour la route. En fait, c'est probablement un des meilleurs pneus, je pense, de voiture de tourisme, là. C'est juste que nous, on voulait avoir quelque chose encore plus performant. On va pouvoir se payer Ça, à la traite. ouais, c'est le fun parce qu'on peut freiner super fort quand tu as beaucoup de grip comme ça. Comme notre ligne droite du circuit est très longue, on rentre la cinquième, on atteint à peu près 160 km/h. Quand même pas payé. Tu peux même pas atteindre ça sur une route légalement. C'est ça, C'est quand même Encore pas moins payé. ça glace. Encore moins sur la glace, ouais. Encore moins ça glace. T'essayes de pas, ouais. OK. Fait que là, est-ce que tout le monde est capable de faire ça? As-tu déjà pogné du monde qui sont juste pas capables? Ou si tu sais, t'as toujours été capable de leur montrer comment bien maîtriser une voiture. Parce que c'est sûr, le but c'est de se faire du plaisir, de se faire du fun, avoir du plaisir, mais faut aussi que ça serve dans la vie de tous les jours à un moment donné. T'as-tu vu du monde qui sont juste pas capables puis qui te décourageaient ou c'est pas arrivé encore? Honnêtement, Luc, c'est pas arrivé encore parce que bon, moi, je veux pas me lancer des fleurs, mais j'ai à peu près 12 ans d'enseignement à temps plein OK. au C'est niveau du rare que sport. mon oncle Raymond, ma tante Suzanne, c'est rare qu'ils vont se donner la misère de se rendre Taisez. jusque-là pour aller l'essayer aussi. Peut-être. Sur l'aire de dérapage, vu que c'est pas dangereux, les gens n'ont pas peur de pousser la voiture au tête-à-queue, puis on les encourage. OK. T'sais, fait que c'est vraiment. Ce qui est le fun de ça, c'est. En fait, tout le monde devrait le faire. Moi, si je pouvais influencer le ministère des Transports, d'après moi, ça devrait être obligatoire au Québec de faire un cours de conduite préventive. Ouais, ça, je suis d'accord. Parce que oui. Au moins, t'sais, ne serait-ce que passer une demi-heure sur une aire de dérapage, là, ça devrait être obligatoire. Fait que pour répondre à ta Toujours les question, parkings ouais, mais les Walmart sont ouverts le dimanche. Oui, c'est ça, j'ai appris à conduire des parkings de Wilco dans le temps, Marc, mais. Ouais, c'est ça. On a à peu près la même âge, je pense. Non, je suis un petit peu plus jeune. C'est moins de gris un peu. C'est parce que des parkings de Walmart puis de Wilco, il y a des lampadaires. C'est là tout l'intérêt. Ouais, ça me fait rire vous parler de ça parce que quand j'ai acheté ma Formule 125, je m'entraînais dans le Carrefour Laval les dimanches. Puis évidemment, ben, dans les années 80, c'était pas ouvert. Donc, on barrait les entrées avec des combes. Puis la police venait nous voir, puis il n'y avait pas de problème. Tout va ça drôle. Ben, c'est quand même pas pire. Ça serait peut-être pas ça aujourd'hui. C'est Mais là 11 heures le soir d'un parking de centre de chasse. ouais. Ouf, c'est ça. Mais c'est vrai que tu peux pas. Les gens, tu sais, les gens ordinaires n'ont pas vraiment de place pour aller se pratiquer maintenant. Parce que oui, les centres d'achat sont ouverts le dimanche. Dans le temps, ça ne l'était pas. Même la police donne des contraventions, même pour ça, sur des stationnements qui sont Ouais. publics, entre guillemets. Ouais, c'est sûr. C'est Même si c'est moins. fermé, même s'il n'y a personne. Il y a moins de tolérance qu'avant, mais ça, c'est une place parfaite pour aller apprendre. Fait que si, mettons, on veut faire C'est de sûr cours que de base, là. c'est mieux qu'un rang avec des fossettes 12 pieds. Ça aussi, oui, C'est c'est clair. certain. Puis là, au moins, c'est pas mon oncle Raymond qui te montre comment conduire une auto. J'espère bien que non. T'as quelqu'un avec de l'expérience. Fait que si quelqu'un veut aller te voir, là, puis veut prendre le cours de base, qu'est-ce que ça inclut, là, juste pour être capable de survivre sa glace noire à Ouais. Montréal, mettons, là. Ouais, Survie de base. notre forfait découverte, qui est vraiment le forfait de base, puis c'est vraiment abordable, c'est 195 $. OK. Ça se concentre surtout sur l'aire de dérapage. Donc, on pratique le sous-virage quand la voiture glisse du vent, sur-virage quand la voiture glisse du derrière. Qu'est-ce qu'on fait avec la vision? Où on doit regarder quand la voiture est en perte de contrôle? Est-ce qu'on regarde le banc de neige, le orignal ou le fossé ou la voiture dans la voie opposée? Donc, voyez un petit peu le genre là, de curriculum. Oh, ouais. C'est Où une ça glisse? déformation. Je me rends compte que les gens ont une mauvaise position de conduite. Ouais. Position de conduite, Ils ont pas une mauvaise sous-virage, habitude. sur-virage. Puis quand les gens sont à l'aise de ramener la voiture, vraiment, ben là, on les laisse s'amuser. Là, c'est vraiment de la drift. Là, on essaie de faire un rond complet de l'aire de dérapage en contrôlant vraiment la drift avec l'accélérateur. Fait que les gens, c'est pour ça répondre à ta question précédemment, les gens, ils ont toujours du plaisir, puis ils finissent toujours par comprendre. Puis c'est sûr que la première session sont un peu raides, sont un peu craintifs, mais les instructeurs ont fait des démonstrations, puis on les met à l'aise, puis l'aire de dérapage est tellement large, donc tu peux rien frapper, donc c'est vraiment l'endroit idéal pour apprendre ça. Puis je dois dire que même après juste un cours de base comme ça, les gens s'améliorent beaucoup. Non seulement après 10 minutes, mais après le cours total qui dure à peu près 1 heure, là, grosse, grosse amélioration. OK. Est-ce que c'est facile pour les gens d'appliquer ce que tu leur montres sur leur voiture de tous les jours? Parce que toi, on parle d'une Porsche Boxster, donc une voiture qui a une distribution de poids à peu Sûr que près ça fait une parfaite. masse de trois, c'est pas Oui. pareil. T'sais, puis des pneus à crampons qui sont dessinés ou qui ont été créés pour faire ça. Mais t'sais, mettons, moi je m'en vais, c'est comme Martin disait, t'sais, là je tombe avec ma Mazda 3 sur une route normale avec des pneus d'hiver moyens à bons. Est-ce que Canadian tout ça Tire. s'applique quand même? Oui, c'est une bonne question. En fait, oui, parce que peu importe si on conduit une traction, une propulsion ou une intégrale, quand la voiture commence à glisser, faut savoir reconnaître qu'est-ce qui se passe. OK. Regarder au bon endroit quand on perd le contrôle. Faut que tu corriges, tu contrebraques, tu lèves l'accélérateur graduellement pour pas faire un transfert de poids, graduellement. Tu regardes où tu veux aller, tu touches pas au frein. Puis ça, Luc, ça s'applique vraiment à tous les types de voitures. OK, non, c'est bon, mais ça se contrôle, si j'imagine, ça se contrôle un peu différemment parce que ce qui va pousser ou tirer ta voiture, c'est différent. Fait que c'est sûr, certain, c'est une traction avant, puis tu te diriges tout croche en avant, tu as plus de chances de prendre le champ que, tu sais, si tu comptes, si tu pousses ou je sais pas, ou une traction intégrale, souvent, tu vas parler à du monde qui travaille sur les remorqueuses, puis ils vont dire, oui, le monde avec les tractions intégrales, c'est eux autres qu'on ramasse le plus Ils loin sont dans le le plus champ. loin, c'est ça. Tu sais? Ça, c'est une vraiment une bonne observation. Ça me fait rire parce que les gens se croient invincibles. Souvent, sur l'autoroute, tu vois ça dans la voie de gauche, ça roule à fond avec des Jeeps, mais pas à cause C'est que tu as tellement un quatre des roues pires motrices. véhicules sur la glace. Ben oui, absolument. Pas à cause que tu as une bonne traction, que tu as une bonne tenue de route, puis encore moins une bonne distance de freinage. Non, non, Donc, ça, c'est. c'est relatif, hein? Non, c'est ben beau, il n'y a pas de problème de rouler 120 sur une autoroute, même si c'est à glace bleue, tant qu'il n'y a personne autour pas en avant, par exemple. Ah, Mais c'est c'est ça, ça. le problème, C'est c'est parce ça. que les gens suivent de proche. On est en pleine poudrerie, il n'y a personne qui a les lumières allumées, ça s'en va d'un bord puis de l'autre. Il y en a la moitié que c'est des dangers publics. Oh, oui. Parce que le monde a l'impression, parce qu'ils ont un VUS, que comme Jean-Sébastien disait, sont invincibles. Un VUS, ça décolle très bien dans la neige puis ça la Oh, glace, mais ça ça arrête pas mieux qu'un auto-ordinaire, arrête pas par plus exemple. vite. Non, c'est clair. C'est clair. Non, non. Quand Absolument. ça patine, ça change Ouais, c'est absolument rien. beaucoup. Ça a beaucoup d'inertie, puis c'est très lourd, puis c'est long à arrêter. C'est ça. Fait que non, c'est le fun. Puis là, si le monde veut plus, là, t'sais, que le monde se dise, ah ouais, moi je veux un peu plus que ça, t'as d'autres forfaits, t'as des forfaits même, comme on parlait, plus de performance, t'as des forfaits qui sont vraiment sur quelques jours et tout ça, là. Oui, absolument. On a des programmes de demi-journée, des programmes de journée complète où là, vraiment, on commence toujours par la base. Ouais. Avant de vous faire glisser la voiture sur le circuit, on s'assure que vous êtes capable de la ramener façon conduite préventive. Une fois qu'on voit que vous êtes à l'aise, là, on va sur le circuit. Ça débute avec des programmes de demi-journée. Puis là, on vous en prend l'appel contre-appel pour prendre les virages de la bonne façon, comme on voit en rallye. Donc, on bascule la voiture du mauvais sens pour faire un transfert de poids pour vraiment bien la placer dans le virage. La soigner en bon français. C'est ça, la soignée ou le Scandinavian flick, qu'on appelle presque. Ouais. Donne un petit coup Yeah. d'un bord pour après ça C'est l'envoyer ça, puis la donner un coup ramener. de C'est bord. ça. C'est Ouais. ça. L'effet de pendulum. Fait qu'on s'amuse avec ça. On fait des sessions tôt, puis c'est du coaching. Il y a toujours un instructeur dans l'auto. Puis nous autres, on vous pousse jusqu'à temps que vous êtes capable d'assimiler la technique puis de l'appliquer. Là, j'ai de plus en plus. Ce qui est le fun, c'est qu'on commence à te connaître aussi. On commence à être connu en Europe aussi, pour aux États-Unis. Puis j'ai souvent des pilotes, comme cette semaine, j'ai des gars qui viennent de la Belgique puis de la France. Puis c'est des pilotes amateurs. Puis eux autres, ils veulent prendre ce cours-là pour, ben, c'est sûr, vivre l'expérience de conduire sur un lac gelé. Mais ils veulent essayer d'améliorer le pilotage sur la pluie. Quand ils vont courir l'été sur la pluie, C'est ben, vrai. vu qu'ils sont capables de faire glisser la voiture, ils vont être plus à l'aise de trouver la limite dans des situations de conduite sous la pluie. OK. Ouais, parce que Oh, c'est un j'imagine. dérapage, c'est un dérapage. Ben, c'est ça. Ouais, C'est ça. j'imagine si t'es capable de contrôler un dérapage sur de la glace, t'es capable de le contrôler sur de l'asphalte mouillé ou Absolument. même à la limite, tu sais, faire du drift avec ton auto, là. Si t'es capable de faire déraper puis de contrôler un dérapage, Absolument. c'est à peu près ça la base, On là. a le même concept partout. C'est ça, fait que c'est une bonne place pour aller essayer. Puis en plus, ben comme tu dis, t'es sur un lac gelé, tu pars en tête à queue, tu vas frapper rien. C'est ça. À part peut-être une truite perdue. C'est ça, un truc Va fumé. arrêter dans de la neige retroussée, ces photos que je vois là. C'est le plus C'est loin que tu vas te rendre. tant qu'à ça, fait que c'est pas mal une place où ce que tu dis, mais regarde, tu mets tu mets pas ton cerveau, on peut pas dire tu mets ton cerveau à off, faut jamais mettre ton cerveau à off quand tu conduis une auto là, mais tu peux te concentrer sur la tâche qu'il y a à faire puis pas sur le fait faut pas je frappe un faut pas je frappe une chaîne de trottoir, faut pas je frappe un Oh, faut pas que je lampadaire, rentre faut dans pas le que je cul de frappe un l'autre, faut que je regarde autoto. l'autre s'en venir puis je fasse sûr qu'il arrête, il y a pas, y a aucun problème. Fait que tu Pas peux besoin de surveiller la police. Non, ça non plus. Fait que tu te concentres sur ce que tu as à faire, puis c'est le fun comme ça. Fait que si les gens veulent s'inscrire à ton école, te contacter, comment est-ce qu'ils peuvent faire ça? Alors moi, je dirais via le site web, je dirais à info au commercial icedrivingcanada.com. C'est la façon la plus facile de nous rejoindre. OK. Sur iTunes, vous allez voir, je vais mettre le lien dans l'émission. Donc, vous allez pouvoir toucher le lien dans votre iPhone ou iPad ou iPadant ou. Puis vous allez pouvoir vous rendre directement sur le site. Sinon, ben, vous pouvez aller au podcastauto.ca. Je vais mettre aussi le lien pour le site de Jean-Sébastien. Ben, merci beaucoup d'être venu nous parler de ton école de conduite. Je trouve ça super intéressant parce que, comme tu Ah, disais, vraiment cool. je pense que c'est quelque Exact. chose qui devrait être obligatoire, surtout au Québec. Parce que Ah la neige, on a à tous les ans. ouais. Hein? Ouais. Ah, t'avais remarqué? Puis à tous les ans, on se fait pogner avec une petite tempête, puis là, t'entends parler de carambolage, puis de Sorti plein de route. parce que le monde suit de trop proche, le monde ne savent pas quoi faire, ça fait. Il y a de la neige au Québec depuis que le Québec existe, à ce Oh, que je sache. Puis, je veux dire, c'est pareil à chaque année, puis pas juste ça. chaque année, on a l'impression qu'on se fait prendre avec les pilotes à terre. Ça en va juste des routes secondaires. Tu sais, une autoroute, à la limite, là, la plupart du temps, c'est bien ouvert. Ouais. Mais juste prendre des routes secondaires, là, il y a des matins, c'est hallucinant. Là. Il y a un demi-centimètre de neige à peu près. Puis il y a petit mononcle avec sa traction intégrale, tailleur à clous, qui roule 42 km/h en se tenant à deux mains après le volant, terrifié. Tu sais, là, à un moment donné, c'est vrai que ça lui ferait du bien. Ouais, puis t'as l'autre qui passe à Là. côté à Oh, 120 km/h, Ça Oh, avec des fesse. tailleurs à la fesse, puis il n'y a pas de problème. Le C'est plus gros ça. s'en va par là. Avec un F-150, avec pas de poids dans la boîte en arrière. Ouais, Et, ouais. Ouais. ah ouais, merci, bonsoir. Bravo, mon champion. Ouais, ben justement, il y a un de mes collègues qui parlait de ça hier au travail, qui s'est fait dépasser. Je sais-tu, en fin de semaine passée, par un pick-up. Puis il roulait, il y avait une tempête de neige, ou en tout cas, il y avait de la neige jusqu'où il était. Puis tranquille, lui, il se promenait, t'sais, sécuritairement dans la voie de droite. Puis l'autre, il t'a passé à côté. Il a dépassé le char en avant. Puis là, il s'est mis à perdre. Il a perdu le contrôle. Puis là, derrière, a passé en avant du char. Il est parti en faisant des 360. Puis il a été ramassé le char à côté qui était dans la voie de droite. Juste le Bravo, char, champion. deux chars en avant de lui, tu sais. Fait que, Aïe, tu sais, aïe, apprenez à conduire l'hiver. T'sais, aïe. pis si c'est pas pour vous, ben faites-le pour vos enfants qui viennent d'avoir le permis de conduire ou qui conduisent depuis peut-être un an ou deux. Ouais. Oh, mais souvent, Ouais. les personnes qui vont conduire, comme le gars du pick-up qui vient de passer là, le problème, il est pas tant là. Ça, c'est genre, qu'est-ce que c'est quelqu'un qui compense d'autres choses, là. Même si tu apprends à conduire, il va chercher à le compenser ailleurs. Peut-être, mais s'il ne compense pas sa route puis tuer quelqu'un, c'est déjà Oh, pas c'est pire. aussi bien qu'il frappe personne, là. Mais on s'entend, là. C'est ça. C'est le conducteur typique de Dodge Ram noir, ça, là. Ben, je serais pas si stéréotypique que ça, là, mais. Non, mais tout le monde l'a compris pareil. Sûrement. Je sais pas si vous avez vu, j'avais entendu la nouvelle ce matin, la SAC veut mettre en vigueur une espèce de programme Ah, oh, on pilote, peut mettre là, des un bavards ordinateur dans de les chars. bord, là. Ah Ouais. ouais, genre la même chose que Desjardins a mis et mettre dans les Ouais, autos, c'est les ça. Je vais assurer. continuer de rouler des autos qui ont 40 ans. Ça va sauver que quelqu'un essaie de se brancher dans mes prises OBD2. Ouais. Et tout ça, peut-être dans l'optique de d'ici 5-10 ans, de nous donner des tickets si on accélère trop vite ou on va trop vite ou on a un G-sensor, on prend des courbes trop vite. Au contraire, ça devrait être, en tout cas, je me répète, mais ça devrait être de la formation conduite hivernale. Ça devrait être obligatoire. Ouais, c'est sûr, mais C'est plus un moyen de chercher de une l'argent. formation de conduite tout court. Ouais, mais c'est drôle comment est-ce qu'ils essaient de passer ça, parce que t'écoutes la nouvelle, puis c'est comme, ah, tu sais, certaines personnes qui conduisent bien vont pouvoir avoir une réduction peut-être dans leur prime ou de l'assurance automobile, une affaire de même, ou tu sais, ils vont payer moins cher d'assurance à Ouais. SAQ ou peu importe, mais Oui, la on a vraie déjà entendu raison, ça. c'est, ouais, la vraie raison, c'est que si tu conduis en malade, puis si tu roules à 130 km/h sur l'autoroute, on va le savoir. Même pas besoin de mettre de police pour te pogner. Non, non, c'est ça. Ben, ça va se diriger vers là, c'est clair. Check bien ça. D'ici 10 ans, Ben là, oui. on va avoir ces petites machines-là avec une imprimante installée dans le coffre à gants, là, Il y avait puis... des projets pilotes aux États-Unis, même où ils installaient des GPS comme ça pour savoir la tarification dépendant du kilométrage que tu parcourais dans une année. Fait qu'avec le GPS, ils pouvaient savoir, ils tarifiaient les droits d'immatriculation par rapport au kilométrage parcouru. Ah ouais. Qu'est-ce que tu fais? Wow. Ouais. C'est. Gap. Comme je disais, je vais continuer. Rendu là, je vais mettre des tailleurs d'hiver sur mon 66, puis ça va finir là. Ouais, non, c'est ça. Parce qu'à un moment donné, ça va venir aberrant. Tu sais, tu vas rouler à 130, tu vas entendre l'imprimante partir dans ton coffre à gants, tu vas avoir ton ticket, ton ticket va s'auto-imprimer. Parle encore de mettre des étilomètres de série dans les autos. Il y a n'importe quelle idée de. Et Non. la sécurité routière devrait commencer par apprendre aux gens à conduire comme il faut pour commencer, là, avant de mettre tous les gadgets au monde pour être répressif après. Ouais, ça C'est pourrait. donc vrai parce que moi, ce que j'ai vu, en tout cas au Japon notamment, là, écoute, ça prend 6 mois de training, d'entraînement, de cours avant d'avoir ton permis de conduire. Écoute, j'ai mes classes pour conduire des camions. J'ai jamais suivi un cours de conduite de ma vie. OK. Oh. OK. T'as-tu du lettrage, ton camion, qu'on Non, là, sache c'est quel? regarde. Non, j'ai à base, regarde, écoute, je conduisais déjà des autos. On avait des terres, je conduisais déjà des autos un peu partout. Je m'amusais à faire du rallye dans le champ en arrière de chez nous. Je savais quand même conduire au départ. J'ai appris à conduire avec des gens qui avaient beaucoup, beaucoup d'expérience. Mais Okay. j'ai quand même réussi à me faufiler, qu'à me ramasser qu'avec un permis pour conduire de la machinerie lourde sur la route sans jamais avoir suivi un cours de conduite de ma vie. OK. Oh ouais, T'sais, c'est sûr qu'il y a un petit paradoxe là. je dis pas que moi je suis un danger public, mais je dis qu'il peut y en avoir beaucoup dans la même situation que moi, là. Ouais. Ouais, sûrement. Sûrement. C'est comme les permis de moto, où à un moment donné, si tu avais ton permis avant une certaine année, ton permis de moto venait avec le permis de conduire, puis maintenant, c'est plus le cas. Fait Une que... anecdote comme ça, mais je me rappelle, moi, quand j'ai eu mon permis de scooter, dans le temps, celui qu'on passe juste un examen à répondre des questions sur un ordinateur, puis on repart avec, là. Et en hiver, on n'avait pas besoin de pneus d'hiver. Je m'étais fait un tireur à clous, puis je conduisais ça dans la neige, puis ça à glace, l'hiver long, là, puis je livrais de la pizza avec. Là. Ça devait être intéressant, un tire à clous homemade. Ah, c'est surprenant combien loin ça se rendait. C'est juste parce que fallait se laisser les deux pieds par terre pour se casser la gueule, là. C'était quand même un scooter. Ouais, quand même. Il n'y avait pas des petits trous en arrière. Non, ça aurait été une pas de méchante idée, je te dirais. Un scooter à quatre roues. Bon, messieurs, on va finir l'émission là-dessus. Finalement, ça va être une émission complète sur la conduite d'hiver. Oh, ouais, c'est le fun comme ça. Une belle petite émission d'une quarantaine de minutes, là, un petit peu moins de 40 minutes. Ça va être super. Donc, messieurs, si on veut vous rejoindre, ben Jean-Sébastien, tu nous l'as dit, icedrivingcanada.com. Puis, si les gens veulent s'inscrire, ben ils t'envoient un courriel ou ils peuvent s'inscrire directement sur le site, j'imagine. Oui, absolument. Oui, okay. Moi, c'est facile. Oui, c'est fait qu'allez voir. Allez voir ça. C'est ICE Driving Canada. Donc, ICE Driving, DRIVING Canada. Je n'ai pas besoin de vous l'appeler. .com. Si j'ai besoin de vous appeler Canada, regardez sur votre rapport d'impôt. C'est écrit. Martin, si les gens veulent te rejoindre, comment est-ce qu'ils font ça? Oui, ben, c'est par mon nom sur la plupart des réseaux sociaux. Là, ça devrait pas mal être moi qui sors. Ça devrait. Je pense pas que des Martin Sagala, il y en a tout plein. Mais les seuls autres que j'ai trouvés ont l'air de sortir des Philippines ou de l'Inde, quelque chose comme ça. En tout cas, on devrait voir la différence entre un Québécois de souche et un Philippin. Ça devrait être popé. Puis toi, Jean-François? Sur Twitter, à JFLU. Super. Moi, si vous voulez me rejoindre, bien, sur Twitter, c'est AskAlazormo. Il y a le site aussi, il y a le compte du Podcast Auto qui est à Podcast Auto. Il y a le site podcastauto.ca. Bon, il n'y a pas grand-chose à part l'émission dessus. De temps en temps, un article de Martin, mais là, je ne retiens pas mon souffle l'hiver avec le déneigement, puis tout le ramassage, puis tout, puis tout. Et puis, sinon, bien, vous pouvez me lire sur Kijiji, le site, le blog de Kijiji qui est frkijijiblog.ca dans la section véhicules. Cette semaine, ça va être l'essai du bio Lacrosse 2015, puis bon, ouais, c'est ça le nom qui était Allure avant, je me rappelle bien. Puis là, ils l'ont ramené. C'était ouais. Juste ici, là, Allure. C'était juste au Canada. Et puis là, ils ont décidé de ramener le nom parce que j'imagine que ça coûtait cher de pub. Ils ont décidé de se foutre de nos susceptibilités. Peut-être aussi. Puis c'est ça. Donc, cette semaine, ça, le Buick Lacrosse. La semaine prochaine, je vais probablement faire j'ai écrit un article sur les écoles de conduite hivernale, celle de Jean-Sébastien est mentionnée dedans, donc le site va aussi être là. Et puis dans la semaine qui va suivre, ça va promettre mon expérience au Camp 4 de Porsche, parce que vendredi, ben jeudi après-midi, je m'en vais au Camp 4 de Porsche à l'Estérel. Fait que vendredi, je vais conduire des Porsche 911 et Cayman sur la glace, puis je vais pouvoir vous reparler de l'expérience la semaine prochaine sur l'émission, puis il va y avoir un article aussi qui s'en vient là-dessus dans un avenir rapproché. Donc, messieurs, merci beaucoup d'avoir été là ce soir. Jean-Sébastien, merci d'être venu faire ton tour. Ben, merci à vous, messieurs. À la prochaine. On se reprendra peut-être l'année prochaine, mais au début de la saison pour en reparler. Tu sais, genre. Fait que si tu as l'intention d'aller encore au Salon de l'Auto la journée média l'année prochaine, on se reparlera là-bas, puis on essaiera de refaire de quoi, mais au début de la saison et non pas presque à la fin. Parce que il reste encore du temps. Je vous invite, messieurs, là, venez nous voir à l'hôtel Sakakomi. On est ici jusqu'à début mars, probablement. Bon, ben parfait. Ouais, tant que la neige est assez solide, j'imagine. Oui, l'année passée, on a roulé jusqu'au 15 mars. Donc, s'il continue à faire moins 30, devrait être bon un bout. Ça devrait durer un petit peu plus ouais, longtemps. C'est bon. Bon, c'est on aime super. Ça, on aime ça de même. Ça. Ouais, plus longtemps, plus qu'il fait froid longtemps, meilleur c'est pour vous autres. Donc c'est ça. Donc, merci à tout le monde d'avoir été là. Merci aux éditeurs d'avoir écouté cette autre émission. Et puis, ben, nous autres, on se dit à la semaine prochaine. La semaine prochaine, je vous parle du Camp 4 de Porsche. D'ici là, ben, faites attention sur les routes, hein, parce que vous avez peut-être pas pris votre cours de conduite hivernale encore. Puis je vous invite fortement à aller essayer ça. C'est quelque chose de bien à ajouter à votre curriculum de conducteur. Fait qu'on se dit à la semaine prochaine. Dans une conversation. Ça se passe très bien dans une conversation. Fait que à la semaine prochaine, tout le monde. Bye. Salut. Bye bye.